Chapitre 8. La Grèce éternelle. Vers 9 heures du matin, nous partons, sans carte, sans eau, en sandalette, par un sentier apparemment facile. Au bout de 3 petites heures, après avoir traversé des forêts assez touffues, fraîches, merveilleusement agréables et parfumées, nous nous retrouvons tout là-haut, aux alentours de 1 200 mètres d'altitude, sur une arête quasiment nue de l'Hypsarion, que nous suivons quelque temps, main dans la main, dans un état d'intense exaltation, ne parvenant pas à nous rassasier du spectacle infini offert par la mer Égée et le chaos exubérant de l'île alentour. Thasos, un tableau pommelé de tous les verts possibles, un camaïeus splendide formé par les cèdres, les pins, les sapins, les noyers, les chênes, les marronniers, les oliviers en contrebas. Ici et là, des villages pareils à des tas de petits cailloux blancs. Un littoral déchiré et déchiqueté, alternant rochers sauvages et plages de sable. La nôtre, d'en haut, a la forme exacte d'une virgule. Quelle légèreté de l'air, quelle légèreté de l'esprit aussi, dégagé, aérien, à l'image de ces 3 aigles traçant leurs amples cercles dans l'azur immaculé. Il faut redescendre de ces hauteurs où on se prendrait presque pour Dieu et expérimenter une fois de plus la vulnérabilité humaine. Pas de trace du chemin du retour, on se heurte à des pentes abruptes, à des précipices. Les ébauches de sentiers se perdent dans des broussailles. La ronde des aigles se fait de plus en plus rapprochée et inquiétante. Pas âme qui vive à l'horizon. Le grand silence de la montagne, chauffé à blanc, une lumière aveuglante, la voûte du ciel hostile, des roches nues ou couvertes d'épineux, la perte de tous les repères. Tout autour, un bleu implacable. L'angoisse, la colère envers cette terre soudain inhospitalière, la soif, la faim, la brûlure de soleil sur la peau écarlate. 2 à 3 heures de quête. Enfin, une amorce de chemin en bordure de forêt au pied d'une pente un peu moins raide, parsemée d'arbustes et de broussailles, auxquelles on peut tenter de s'accrocher. Nous nous lançons. Tout commence bien, puis Klaus finit sur les fesses et les paumes. J'empoigne sur mon parcours des épineux, les lâche, glisse, rebondit comme un ballon, puis termine ma course dans les bras de mon ami. Mains et jambes écorchées, ce n'est pas grave. Nous marchons l'un derrière l'autre sur l'étroite sente qui dévale en interminables lacets dans la forêt. Où mène-t-elle? Enfin des voix. Une famille grecque pique-nique au pied d'un piton rocheux. Des bambins criaillent autour d'une grand-mère emmitouflée de noir qui rit bruyamment de sa bouche édentée. 2 jeunes couples, très beaux, expriment par des gestes et dans un mauvais anglais leur ébahissement et leur vague désapprobation. Pourquoi s'aventurer sur ces hauteurs incandescentes alors qu'il fait si bon à l'ombre? C'est bien une lubie de touriste. N'est-ce pas fou que de défier des lieux hantés par des forces inconnues? On nous offre à boire de l'eau, mais aussi du retsina bien frais, ce vin très particulier auquel on ajoute quelques morceaux de résine de pin, si bien qu'au bout d'une petite heure, tout le monde rit gaiement, tout en grignotant de succulentes pâtisseries enrobées de miel. Une journée inoubliable, me dis-je. Je regarde d'un air sombre l'est noyé dans une brume bleuâtre. Nous n'irons pas faire un saut à Istanbul. Trop dangereux pour les femmes, selon Klaus. Mais enfin, je sais me faire respecter. Et puis, je ne suis pas le genre de femme qui attire les hommes, tu le sais bien. On ne va quand même pas m'enfermer dans un harem. On ne viole pas plus là-bas qu'en France ou en Allemagne. Tu véhicules des idées toutes faites. Klaus hausse les épaules. Tu es d'une naïveté incroyable. Depuis notre visite de Mostar l'année dernière, je rêve de Turquie, avec ses maisons ottomanes, ses minarets et l'artisanat de ses minuscules échoppes. Un monde exotique sûrement fascinant. Nous n'irons pas non plus à Samothrace et sur les autres îles proches de Thasos. Que de noms chargés d'histoire et auréolés de mystère. Il faut savoir se limiter, Clotilde. Nous ne visiterons pas toutes les îles de la mer Égée. Et puis, combien de temps vas-tu rester immobilisé ici à Thasos? Oui, qui sait? Assise à l'ombre d'un olivier, je n'ai plus que la ressource de la lecture à cause de ma jambe qui a doublé de volume depuis une semaine. Les Allemands campant à proximité soupçonnent une piqûre de vive, ce petit poisson caché dans le sable des eaux peu profondes. Mais c'est peut-être aussi un insecte qui a lâché son venin dans mon mollet. Bon, je n'en sais rien. On ne voit aucune trace de toute façon. Le médecin, consulté à Limenas dans sa petite maison à la blancheur aveuglante, n'a pas paru particulièrement inquiet. Il faut attendre patiemment que l'œdème, dur, douloureux et invalidant, se résorbe, selon lui. De Limenas, dans cette petite ville que nous avons abordée en venant de Kavala, sur le continent, nous n'avons rien vu d'extraordinaire en dehors des colonnes de l'Agora aperçues au loin. Pourvu que Klaus veuille bien y faire une halte avant de quitter Thassos. Il va dire « Des ruines, encore des ruines !» Fini les baignades en eau cristalline que j'avais fini par goûter. C'est à peine si je parviens à franchir la dizaine de mètres séparant la voiture du café, le seul existant à ce jour sur cette longue plage de sable paradisiaque. De quoi vivent Nikoulos et Iona, ses propriétaires? Dans quelques années, ils seront sûrement richissimes. En dehors de deux familles allemandes et de nous, pas de touristes. Est-ce à cause de la dictature? Sur le ferry nous amenant à Thassos, un Grec d'une trentaine d'années, pharmacien de son état, nous a déclaré en allemand qu'on n'avait plus peur dans les rues depuis l'arrivée des colonels au pouvoir. Le refrain habituel des fascistes, me suis-je dit. Pour quelle raison être venu dans ce pays boycotté par les étrangers? Est-ce une excuse valable de dire qu'on n'y vient que pour les vestiges antiques et médiévaux, ou pour les plages et la pêche, comme les Allemands d'à côté? Nous nous posons d'autant moins la question que nous n'avons vu jusqu'à maintenant ni police ni répression, même dans une grande ville comme Salonique, traversée rapidement, il est vrai. Pourtant, nous n'ignorons rien des méthodes utilisées par les dictateurs pour faire taire la voix du peuple. Dans certaines îles lointaines, il se passe des choses terrifiantes, je le sais. Sous sa tonnelle, Nikos, un verre de vin résiné à la main, regarde rêveusement la mer du matin au soir. Comme s'il n'avait jamais rien d'autre à faire. Un visage d'oriental moustachu, ce qui n'est pas étonnant dans ces parages où l'Empire ottoman a régné pendant près de 5 siècles. Des traits fortement virils avec beaucoup de malice, dont les yeux très enfoncés sous des sourcils broussailleux. Iona, elle, a le profil de la Vénus de Milo, malheureusement gâtée par des cheveux grisonnants tirés en chignon, une peau fanée et des trous dans la dentition. Les deux magnifiques enfants du couple, un garçon et une fille âgés d'une dizaine d'années, collent comme des mouches aux Allemands, manipulant pendant des heures leur bateau et leur attirail de pêche sous-marine. Ils sont là aussi quand ces derniers ramènent des murènes, harponnées après moult dangereuses tentatives. Je ne me lasse pas de contempler la tête effrayante de ces longs et musculeux poissons au corps de serpent. N'est-ce pas une folie de gens riches et blasés que de risquer sa vie à chasser ces bestioles cachées à d'assez grandes profondeurs dans les anfractuosités des rochers? Une folie peut-être, assurément une passion pour les deux couples dont c'est le sujet de prédilection. Le soir et assez tard dans la nuit, tout le monde s'attable chez Nikos pour boire un petit verre d'ouzo et consommer le succulent poisson grillé avec plusieurs bouteilles de Retsina. La nuit est tombée sur Samothrace. Là-bas, à l'est, et la montagne déploie son grand manteau d'ombre sur la plage et les oliviers grouillant sur ses flancs. Dans l'immensité nue, la cacophonie des voix éméchées n'a guère plus d'importance que le cri de la chouette qui pousse son premier ululement. Je ne quitte pas des yeux le mont Olympe à l'ouest de la plaine côtière de la Thessalie. Herculéen, cyclopéen, titanesque. Comme j'aimerais rejoindre tout là-haut ce lieu légendaire dissimulé par des nuages. Mais mon compagnon, emmuré dans un mutisme de pierre, ne répond pas à mon désir formulé timidement et file vers Kalambaka et les météores. Il a goûté moyennement notre aventure sur l'Ipsarion, un moment pourtant mémorable dans la vie presque lisse que nous avons menée pendant une dizaine de jours à Thassos. Il ne faut pas trop lui parler de montagne. Il a un côté indolent et jouisseur qui me déplaît. Sur Thassos, Klaus a passé son temps à se faire dorer au soleil, après avoir dessiné tous les matins des troncs d'olivier pendant des heures. Il a même refusé d'accompagner au moins une fois les autres Allemands dans leur chasse aux murènes. Tout en s'appliquant à reproduire ce bois qui se contorsionne si artistiquement, il tournait sans cesse la tête vers Monica, cette jeune Allemande de 16 ou 17 ans, assise à quelque distance sur un rocher, dans une immobilité absolue et muette face à la mer. Était-il intrigué par son attitude? Sa beauté de blonde jeune fille le captivait-elle? Sans aucun doute, mais surtout sa poitrine forte et ferme, gonflée de sève, qui, dans 20 ans, bien sûr, ne sera plus qu'importune et flasque, ai-je pensé méchamment. J'ai suivi des yeux en silence le regard de Klaus, de plus en plus abrupt et rugueux avec moi. Je ne pensais pas être détrônée un jour par une Allemande si trivialement provocante, avec ses poses d'adolescente, usant et abusant du pouvoir d'attrait sexuel tout neuf. Quelle amertume de le voir attiré, ni par l'intelligence, ni par un naturel aimable, mais par la chair, certes d'une merveilleuse plasticité. Jalouse sans doute, je me suis surtout sentie humiliée d'être mise au rancard pour une paire de seins plus avantageux que les miens, pourtant pas si laids. Visiblement, j'ai perdu de mon exotisme pour mon ami, mais je n'ai rien dit, me souvenant de mon désir des bras du si beau jeune homme rencontré l'année dernière sur l'île de Pâques. Dans ma tête, depuis des mois, bien d'autres images de beaux mâles m'ont traversé l'esprit. Petit à petit, je prends conscience que nos corps tâtonnent vers autre chose. Hier à midi, alors que nous avalions notre plat de pâtes sans beurre au bord de la route menant au port de Tassos, Klaus m'a reproché tout d'un coup de trop manger et d'avoir des rondeurs mal placées. Au retour en France ou en Allemagne, a-t-il ajouté en fronçant les sourcils, il faudra faire quelque chose. Acheter des pommades amaigrissantes et faire un régime. J'ai piqué en phare, me suis redressée vivement avant de laisser éclater la colère couvant en moi depuis plusieurs jours. Le contenu de mon assiette ne regarde personne, ai-je hurlé. Je ne me laisserai pas corseter. Il ne faut pas y compter. Je ne suis pas un objet sexuel qu'on façonne à sa façon. Va voir ailleurs si ça te chante. Crois-tu que je n'ai pas remarqué ton malaise avec Monica? Te crois-tu physiquement parfait, toi, et irrésistiblement attirant? J'ai dit encore en m'emparant brutalement de son assiette que j'ai vidée dans un buisson. Toi aussi, tu as assez mangé. La prochaine fois, il y en aura encore moins. N'oublie pas que c'est moi qui paye la nourriture. Le regard bleu de Klaus a viré au noir, comme on peut s'en douter, et nous avons rangé nos affaires dans un silence assourdissant. En représailles, il ne s'est pas arrêté à l'agora de Limnas, et maintenant il ne veut pas bifurquer vers le mont Olympe. De toute manière, avec ma jambe encore endolorie, je ne serais pas allée bien loin. Hier après-midi, j'étais une fois de plus en rogne contre les hommes. Après avoir gravi péniblement sous un soleil de plomb au moins 150 marches, jusqu'à un monastère perché sur son piton de grès, voilà qu'un moine assez jeune me convie sans ménagement à remplacer mon short par une jupe longue et à me couvrir les bras. Il y a de quoi se changer à l'entrée. Quoi? Comment? Après m'avoir prié fermement de cesser d'injurier l'affreux barbu en robe noire, Klaus repart de suite avec moi sans visiter l'intérieur des bâtiments. Tu es toujours excessive dans tes réactions. Tu apprécierais, toi, qu'on te dise d'aller te rhabiller? Respecte les coutumes du pays. Ces coutumes humilient les femmes. Tu lis un peu trop Simone de Beauvoir. Heureusement qu'il y a des femmes comme elle, que ces gens gardent pour eux leurs saintes icônes et leurs grimoires moyenâgeux. Tout leur art religieux me dégoûte. Ai-je continué de tempêter en redescendant lentement les 500 à 600 mètres de dénivelé vers le parking? Tout ça empeste le moisi et la bêtise incommensurable. Heureusement qu'il ne reste plus que 6 monastères en activité sur les 26 du secteur. D'en haut, la plaine de Thessalie s'étale comme une carte géographique et la forêt de tours et colonnes rocheuses grisâtres des météores est d'une beauté si indicible que j'ai fini par m'apaiser. Que représentent les 2 millénaires de cette religion chrétienne au regard de la longue histoire des menhirs herculéens, façonnés par les soulèvements, les secousses sismiques et l'érosion. Ces parois vertigineuses, où s'accrochent encore des cordes et des systèmes de poulies et de treuils permettant d'approvisionner les monastères. Ces arrondis lisses et harmonieux, percés de grottes à l'intérieur desquelles se réfugiaient autrefois les ermites. Quelle délectation pour les yeux! Ici, on peut effectivement éprouver le sentiment d'accéder au divin et à l'éternel. Je comprends qu'on puisse choisir une retraite paisible et vouée à la méditation dans ces lieux uniques, mais pourquoi l'anathème contre les femmes? Ô diable, les religions justifiant la supériorité masculine! À Calabanca, la petite ville située au pied de ces curiosités naturelles extraordinaires que sont les météores, j'ai commandé un verre de retsina bien frais dans un petit bistrot populaire rempli d'hommes oisifs et visiblement désapprobateurs. La femme n'est pas la bienvenue ici non plus, mais on tolère l'étrangère qui regarde au loin d'un air hautain.